déjà n'écoutant que leur haine, s'en vont aux frontières lointaines. Il a dans de noirs tourbillons, où s'abritent les bataillons, la nuit creusant de longs sillons, pour y mettre les morts entassés par fontaine. Moi qui content du destin, dans bougie de mon gîte, bénis le ciel soir et matin, du bonheur qui l'habite. Je ris et je dis pauvre fou, en cours et mort, bien passivé. S'acharnant à la peine, ne voit que profit et commène, et fier des trésors amassés, par vos jours de demain dépassés, jamais ne disent c'est assez, bien que jusqu'au grenier, la maison en soit pleine. Tant qu'il n'est d'autre souci que le cœur de ma mie, qui sans désir, mais aussi sans chagrin, sans envie, je ris et je dis pauvre fou, entourez-vous d'amour, d'un tas d'idées.